j'ai d'abord dit, je saute pas de matelas pour amortir. Le verre est rempli mais à moitié, la pupille se dilate, c'est que ça va rétit. Je me place tout part comme un chédid, passé trouble comme un enfant chétif. Paris by night, Tom et Jerry, chef de meute comme Thomas Shelby. La pandémie a bloqué tout le riff, la balle ricoche sur l'étoile du shérif. Le châtiment frappera les impies, tous les marins sont bons quand l'eau est limpide. Je suis venu, j'ai vu, j'ai regardé, on a trop souffert, eux faut mériter. Aucun mytho sur le rimpé, danse, danse, danse sous le cri de la Gatling. Des yeux pleins d'étoiles comme un converti, perso stick me introverti. Aucune lumière dans la rétine, pas très fiable tout comme un reptile. Sois reconnaissant boy, c'est du bon sens, 0099 dans l'épicentre. Ça fait le plus vieux métier du monde, pour se payer le sac le plus récent. Serre ton choquette, billet sous vide, je fais le sale boulot comme un soufi. Pas de chichi comme Monsieur Churchill, danse, danse, danse fou comme un soufi. Perdu dans un rêve, perdu dans un souvenir. En parlant de rêve, trop de rêve en se vit. En parlant de rêve, rêve inassouvi. Et le fils Adam n'a que le seul vie. Lundi matin, je fais les gros titres. Il souhaite de tout cœur que je me retire. Adolphe est sûrement en train de rôtir. En rentre, mais ressort pas de chez les Rothschild. Regarde furtif comme un ripou. Photo en pagaille dans un resto. Je crois bien que ça mérite une ristourne. Ça fait zirpler comme quand la roue tourne. Je prends Borata, je suis posé au coste. Saint-Honoré, je me sens comme un gosse. Casque intégral, ça sent le coche. Rafale de plomb sur le flanc gauche. Nos efforts porteront jamais leurs fruits. La paire de lunettes est dans son étui. Tout le monde fuit. Ça sent le roussi, tu veux te faire des amis, dis que tout est gratuit. Des amis sincères, ça n'a pas de prix. Donc quoi je suis tombé, j'ai pas compris. J'ai cru comprendre que c'était pas le pire. Étroit comme le cœur d'un hypocrite. Tic-tac, tic-tac, le temps s'effrite. J'ai l'air con comme quand je fais un selfie. Récidiviste, on va sévir. Y'a beaucoup trop d'hommes pour une selfie. Y'a plus un grain de sel dans les larmes de la veuve. Le berger sous, le mouton est aveugle. Malgré les traîtrises et les rancœurs, je reprends mon sérieux comme un acteur. J'ai fait tout le tour, je n'ai vu que du sale. Ça me regarde pas, je me tiens à l'écart. On dit que la beauté ou la laideur est dans l'œil de celui qui regarde. Des comportements changent pendant les crises. Je chante et en même temps je monte une équipe. Dis-moi tout est venu avec qui. Dans la taverne que des victimes. J'arrive fait ça comme un écossais. Des têtes au hasard ça va grosser. Que des hackers, que des mini Ramsès. C'est encore Ouara qui va rincer. Chef de meute comme Thomas Shelby.